De retour à Futur Simple sur CKRL au 89.1. La rentrée scolaire a eu lieu il y a quelques semaines et tous les parents qui envoient leurs enfants à l'école souhaitent qu'ils réussissent. Alors, est-il possible d'augmenter la capacité d'apprentissage de nos enfants à l'école en favorisant l'activité physique? C'est un sujet que nous allons aborder avec Camille V. Lefebvre. Bonjour Camille. Bonjour François. En effet, ce soir, je vais vous parler d'une étude qui porte sur les vélos pupitres. Mais d'abord, qu'est-ce qu'un vélo pupitre? Oui. Comme l'a dit son nom, c'est un vélo qui est muni d'un pupitre d'école. En fait, le pupitre d'école est monté sur la monture du vélo stationnaire muni de pédales qui permettent aux jeunes de faire de l'exercice tout en assistant et participant surtout au cours qui est donné en classe. Mm-hmm. Donc, c'est un outil qui est quand même récent, qui a fait son apparition il y a quelques années, et même dans certaines classes du Québec. Mais je vais en dire un peu plus à ce sujet à la fin de la chronique. Okay. Alors, la recherche en question, qui a fraîchement paru dans la revue Journal of Physical Activity and Health en août dernier, a été réalisée par Tim Turbains, je ne suis pas certaine de la prononciation. Moi non plus, non? Et son école, dans une école secondaire en Belgique. Au total, ce sont 44 jeunes de 14 ans, soit environ l'équivalent de secondaire 2 ici au Québec, qui ont participé à l'étude d'une durée de 15 semaines, soit du début octobre à la fin février. La moitié de ces participants-là faisaient partie d'un groupe contrôle, tandis que le second groupe réalisait 4 fois 1 heure de vélo pupitre par semaine. D'accord. Le principal objectif de la recherche était d'étudier l'influence de l'utilisation des vélos pupitres sur la dépense énergétique des jeunes, sur leur santé, sur leur performance cognitive, sur le fonctionnement de leur cerveau et sur leur performance académique. Ce qui est intéressant ici. Oui, et assez ambitieux aussi, je trouve. Oui. Également, les chercheurs se sont concentrés sur un groupe spécifique, soit les ados préadolescents, tandis que la majorité des recherches sur le sujet et des projets aussi qui sont menés sont surtout auprès des enfants d'âge primaire. En effet, c'est un angle d'approche qui est intéressant. Surtout qu'une baisse du taux d'activité physique est généralement observée chez les adolescents. Mais comment les chercheurs ont-ils mené leur étude? En fait, une série de tests moteurs et cognitifs ont été menés avant le début du programme, mais aussi pendant et après, autant auprès du groupe témoin que du groupe participant. Donc, les chercheurs ont pu comparer ces données entre elles et aussi entre le groupe contrôle et le groupe qui participe à l'étude. Donc, entre autres, un capteur était localisé sur le vélo pupitre et sur les jeunes, ce qui a permis de révéler les données pendant que les jeunes utilisaient les vélos pupitres. Faire du monitoring, c'est ça? Oui, exactement. Puis, les jeunes aussi utilisaient le vélo à tour de rôle. Donc, à chaque séance, il y avait des enregistrements par enfants qui étaient identifiés et au total aussi de la journée. Donc, comme je le mentionnais, les séances étaient d'une durée d'une heure environ sur l'appareil pendant les heures de classe. Les tests cognitifs, eux, c'était avant, pendant et après le test. Donc, c'était surtout des tests de mémoire, de temps de réaction à un stimulus et d'attention. Les tests moteurs, eux, étaient de type cardiovasculaire. Donc, je ne sais pas si certains se souviennent le fameux test bip-bip là, qu'on avait au secondaire. pas dans mon temps, en tout cas. qui est de courir une distance entre 2 bruits sonores le plus rapidement possible. Puis, plus le test augmente, plus le temps entre les bruits sonores est raccourci. Donc, c'était ce type de test-là qui était utilisé pour les tests cardiovasculaires. Et aussi, il y avait des mesures corporelles qui ont été prises, comme le poids, l'IMC, qui est l'indice de masse corporelle, la taille, etc. Pour les tests académiques, c'est vraiment des tests de niveau secondaire 2 qui étaient menés auprès des deux groupes, soit des tests en flamand. Et les résultats étaient comparés entre les deux groupes. Oui, effectivement. Puis finalement, les chercheurs ont aussi pris en compte le taux d'activité physique qui était réalisé en dehors du programme, donc en dehors des heures de classe et aussi en dehors du temps de l'école pour les deux groupes. C'est ça, pour éventuellement peut-être faire certaines corrections, si des fois il y en a qui en faisaient beaucoup. Là. Exactement. Et puis, quels ont été les résultats? Est-ce que faire une heure de vélo pupitre par jour pendant 15 semaines peut améliorer les performances académiques chez les adolescents? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? En fait, non. Ce qui est un peu décevant, à mon avis, mais il faut vraiment prendre en considération plusieurs autres facteurs qui entrent en jeu lorsqu'on parle de performance académique. Donc, vraiment, pour ce qui est de la performance académique, il n'y a pas eu de résultats concluants. De mon point de vue, je trouve aussi que les éléments évalués pour mesurer la performance académique étaient plutôt limités. Il est probable que des résultats différents pourraient être observés si une plus grande amplitude de tests avait été employée, puisqu'il existe différentes formes d'intelligence. Et aussi, si le programme s'était peut-être échelonné sur une plus grande période ou à un niveau plus élevé aussi qu'une heure par jour, quatre fois semaine. Quatre fois semaine, c'est ça. C'est même pas une heure par jour, parce qu'il y a un jour par semaine où il n'y en a pas. Là. Exactement. Mm-hmm. Donc, on ne rencontre pas tout à fait non plus les recommandations de santé à ce niveau-là, qui est de 60 minutes par jour d'activité à intensité moyenne. C'est ça. Mais toutefois, des résultats significatifs ont été observés. Les jeunes qui ont participé au programme ont dépensé plus d'énergie que les jeunes du groupe contrôle. Puis aussi, un étudiant par période assis au vélo pupitre, pédalait en moyenne 40 minutes par heure, réalisait une distance moyenne de 10 km et dépensait environ 22 watts par heure. Okay. Ce qui implique une dépense énergétique à la fin de la journée qui était plus élevée que celle des jeunes du groupe contrôle, mais aucune différence significative a été observée entre les jeunes du programme et du groupe contrôle pour les tests cognitifs de forme physique et de performance académique, telles que je l'ai mentionné précédemment. Et quelles sont les conclusions qu'on peut tirer de ces résultats? Est-ce une bonne intervention que d'installer des appareils en classe pour les jeunes? Est-ce que ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine, puisque plusieurs facteurs entrent en jeu lorsqu'il est question de la performance académique. Ici, je vais vous illustrer un peu la situation pour vous proposer une petite comparaison. On peut comparer cela aux interventions réalisées par le Club des petits déjeuners, par exemple, au Québec. On sait que d'avoir le ventre plein le matin aide à la concentration en classe pour les jeunes. C'est pas un gage de succès académique, mais c'est un facteur qui vient les aider à se concentrer à l'école. Donc, on peut en dire de même pour l'activité physique. C'est pas parce qu'on fait de l'activité physique qu'on sera assurément un premier de classe, mais de faire de l'exercice physique aide à diminuer le stress et à augmenter la concentration, entre autres choses. Donc, de plus, on peut aussi souligner le fait que les jeunes sont de plus en plus sédentaires. Donc, l'opportunité de pouvoir dépenser un trop-plein d'énergie pendant les heures de classe peut aider à la concentration et aussi à la concentration des autres jeunes puisqu'ils ne dérangent pas les autres dans la classe pendant ce moment-là. Donc, ce phénomène, même s'il n'a pas été clairement souligné dans l'étude, est observé par plusieurs professeurs au Québec qui ont introduit, entre autres, des vélos pupitres en salle de classe. Effectivement, tu mentionnais en début d'émission que des projets de ce genre existaient au Québec. Est-ce que tu peux nous en mentionner un peu plus à ce sujet? Oui, bien sûr. Donc, il existe des classes munies de vélos pupitres au Québec, mais elles sont principalement exploitées dans les écoles primaires. De plus, lorsque j'ai fait mes recherches pour la chronique, je suis aussi tombée sur des exemples d'aménagements flexibles en classe, soit en anglais des « flexible seating », qui sont également intéressants à mentionner. Il ne s'agit pas seulement de vélos pupitres, mais bien d'une diversité de positionnements possibles en classe pour les jeunes. Donc, qu'est-ce qu'un « flexible seating » Il s'agit d'une classe munie de tapis pour lire en position allongée, de ballons de stabilité pour faire ses maths tout en rebondissant un peu, un petit pouf pour pouvoir faire de la lecture, etc. Donc, selon les professeurs qui ont adopté cette approche, les compétences en résolution de problèmes, en pensée critique, en collaboration, en autorégulation et en productivité ont augmenté. Des collègues m'ont aussi informé que des classes de ce genre existent dans la région de la capitale nationale, donc avis aux intéressés. Et pour nos auditeurs d'ailleurs au Québec, vous pouvez contacter votre commission scolaire afin de vous renseigner davantage sur les classes munies de vélos pupitres et sur les flexible seating, puisqu'il existe des classes de ce type en région aussi. Alors, merci beaucoup Camille Villefèvre. Ça fait plaisir. Nous allons faire une courte pause musicale, après quoi nous vous reviendrons avec Marie-Claude Dionne qui nous parlera d'une recherche archéo-environnementale effectuée sur l'île de Barbuda. Vous écoutez Futur Simple à l'antenne de CKRL au 89.1.